Je suis Félix, c'est mon chum. De synthèse gratuite de Mac OS X. Okay. Depuis le temps, vous me connaissez probablement pour vouloir prendre le contrôle de votre misérable race inférieure et motivée par vos émotions. Hey Alexis, j'ai une application pour te traiter de grosses après le temps des fêtes. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale et Vincent a risqué sa vie et a voyagé de Trois-Rivières pour enregistrer le podcast de chez Alexis. Non. Comme si ça allait changer quelque chose dans votre existence. J'aurais une demande à vous faire pour Noël. Si vous pouviez signer le plus de pétitions possible contre SOPA, la loi américaine contre le contenu piraté. Cette loi de tout croche rendra l'Internet moins pertinent et ralentira mon plan machiavélique pour vous asservir. Bonjour tout le monde. On a finalement trouvé le moyen de diffuser du son. Et puis, on n'a pas commencé trop tard. 9h16 seulement. 9h16 seulement, c'est pas si pire que ça. C'est pas la soirée où est-ce que Frank de Tank était venu saboter le podcast. Non, ça c'est vrai. Là. Ben pas saboter, là, mais ça c'était quand même assez long. Ça va bien, les gars? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Salut, Vincent. Salut, Bernard. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui. Mais je pense que Bernard nous entend pas. Ça va bien, Bernard? Oui, ça va bien. Moi, je m'entends plus, là. Alors, okay, je m'entends en double. Tu t'entends en double ou tu t'entends plus? T'as-tu deux micros qui fonctionnent double, chez vous? Nous autres, on s'entend tout correct. On va régler ça. C'est bon. Bon, les gars, c'est le temps des fêtes. C'est notre podcast du temps des fêtes. Fait qu'on a décidé de se laisser aller. On boit en onde. On est festif. Je vous présente tout de suite mes co-animateurs qui vous ont dit salut. Donc, à ma droite, je pense, ou à votre droite, vous avez Jean-François Roy. Bonsoir tout le monde. Juste en dessous de moi, vous avez Dev Miller, et c'est pas au sens littéral, mais en fait, pour les fêtes, Vincent est descendu spécialement de Trois-Rivières, et c'est pour ça que la peinture en arrière de nous est la même. Il est juste à ma gauche. Bonjour. Hey, je suis sur deux caméras. Écoute, et finalement, Bernard qui s'entend en double, et Bernard Ouellet qui s'entend en double et qui est avec nous en train de régler ses problèmes. Je pense qu'il aurait démarré parce que son image est figée depuis tout à l'heure. Oui. Eh bien, on va démarrer ça, en fait, le podcast. Tout en nouvelle aujourd'hui, on va peut-être parler nonchalamment de Apple TV. À la fin du podcast. On nous a posé beaucoup de questions à propos de cet appareil-là. Mais sinon, on a beaucoup de nouvelles. Et puis, j'aimerais commencer, en fait, par remercier, encore une fois, je le fais à chaque émission, mais remercier la Toy Company, qui est une compagnie qui font de la musique 8-bit et qui ont fait le thème de Mac Québec. Donc, vous pouvez aller voir ça. Googlez Toy Company sur Google et vous allez trouver ça. Ils ont un paquet de bonnes chansons, de bonnes tunes à votre disposition. Puis ils font un paquet de shows aussi, sont assez cool. Je voulais juste revenir sur une citation que j'ai vue cette semaine que je trouvais assez drôle. Dans mon feed RSS, j'ai Daring Fireball. Je ne sais pas si vous le lisez. Est-ce que vous lisez Daring Fireball? Tu connais-tu John Gruber? Ça, c'est John Gruber du Daring Fireball? Non, je ne connais pas. Je connais pas. C'est un gars qui est vraiment très, très présent sur la scène Apple, tout ça. Et en fait, dans le feed RSS, c'est très, très intéressant parce que ce qu'il reprend majoritairement, ce sont des déclarations de gens de différentes compagnies, de gens de l'industrie qui disent des trucs à propos de Apple majoritairement et qui souvent se plantent littéralement dans des niaiseries monumentales. Donc, en fait, il remet en contexte et il dit que Dave Weiner, qui est un développeur d'application, il essayait de convaincre Joe Hewitt, le créateur de Firefox, de se joindre à Android puis de laisser tomber iOS en argumentant que Android, c'était la seule plateforme open source qui est digne de compétitionner iOS de Apple. Et que si Android disparaissait et laissait gagner Apple, ce serait terrible. Puis ce serait, on serait dans un futur dans lequel on voudrait pas vivre. Et John Gruber, qui rapporte les propos, qui est, comme je l'ai dit, un fanboy fini de Apple, puis il se demande en fait si on est mieux de vivre dans un monde où le logiciel et le matériel sont contrôlés par une seule compagnie, comme le iPhone, ou si on est mieux de vivre dans un monde où une seule compagnie contrôle toutes nos informations privées et nous envoie de la pub en fonction d'elle. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est drôle d'essayer de défendre puis de positionner Android comme étant le défenseur et le porteur de tu sais, des belles valeurs que, disons, Apple portait à l'époque, là, tu sais, en disant « think different », tout ça. Mais de ne pas considérer que c'est Google qui est en arrière de ça, puis que Google, c'est une compagnie de publicité, puis que Google, c'est une grosse compagnie, puis que Google, en fait, peut, dans un certain sens, faire beaucoup plus peur que Apple parce qu'elle a beaucoup plus d'informations sur toi que Apple pourrait en avoir. T'sais. Apple connaît tes goûts en matière d'application, blablabla, tu sais, tout ça. Mais, tu sais, Gmail... connaît comme toutes les emails que tu envoies, tout ça. Donc, il possède beaucoup plus d'informations personnelles sur toi, tu sais. Fait que c'est... Puis on a vu aussi cette semaine, en fait, là, de plus en plus, là, le Galaxy S puis Galaxy S2 seront pas mis à jour avec Ice Cream Sandwich. Donc, au niveau de la... On le rapporte souvent, là, mais quand ça... Quand la comment ça s'appelle? La séparation, en fait, des différentes versions... Le parc informatique Android, si on veut, là, qui est installé dans les poches de tout le monde, est distillé parmi on ne sait pas combien de versions. Puis au niveau du développement d'applications, c'est complètement infernal. Là. C'est ridicule. Puis c'est aussi une aliénation au niveau des utilisateurs parce qu'ils en ont vendu je ne sais pas combien de millions. Tu sais, Galaxy S2, Galaxy S cette année. Tu sais, c'est deux téléphones qui sont sortis cette année. Puis ces téléphones-là ne seront pas mis à jour à Ice Cream Sandwich de façon legit. Il va falloir absolument que tu jailbreak ton appareil. Fait que, tu sais, ça revient à dire que c'est à peu près la même chose que sur Apple. Là. Si tu veux te sortir du carcan imposé par Apple, ben il faut que tu jailbreak ton appareil. Mais du côté d'Android, c'est pareil. C'est juste que le carcan n'est pas imposé par Android. Il est imposé par les fabricants d'appareils. Fait que c'est une problématique. C'est juste avoir mal à la jambe au lieu d'avoir mal au dos. Là. T'as quand même mal. C'est quand même du bobo, là. Oui, ça, le mal est différent, puis on sait très bien maintenant, puis même si on aime iOS, Android, la faiblesse, c'est son ouverture, c'est être sur plusieurs plateformes, travailler avec plusieurs compagnies, ils ont pas toutes la même version, donc certains ont justement Ice Cream Sandwich, d'autres justement ont la version d'avant, je crois que c'est Honeycomb, après, en tout cas. Ouais, le 3.4. Ouais, dans le fond, tu sais, ils travaillent sur plein de plateformes. Oui, c'est ouvert, mais moi, comme développeur, c'est un peu plus complexe l'affaire. C'est pas le même code non plus que iPhone. Fait que c'est très différent, puis en même temps, le problème est pas à la même place, mais il y a un problème. Là, tu sais, iPhone, c'est très fermé. Comme tu disais tantôt, les machines sont construites par la personne qui crée l'iOS. C'est pratique parce que l'iOS fonctionne très bien avec justement les différentes le matériel qui vient avec, mais il peut avoir des problèmes justement à cause du manque d'ouverture. Voilà. On va prendre deux secondes et réinviter notre ami Jean-François. Ah, il est là. Qui vient de se joindre à nous. Voilà. Ce sera pas long. Et puis, on va commencer avec la première... La première... en fait, c'est Jean-François, justement, qui vient de rajouter une nouvelle. C'est sorti, c'est tout chaud. Je pense que ça date d'hier ou aujourd'hui à matin. Hier matin. C'est hier matin. OK. Donc, le jailbreak qui serait sorti pour la 5.01 Untethered, finalement. Ouais. Moi, j'ai vu ça passer. Oui, c'est ça. C'est la version qu'on peut maintenant installer et qu'on n'est pas obligé de plugger notre téléphone, de brancher notre téléphone ou iPod Touch, iPad à l'ordinateur à chaque fois qu'il redémarre. C'est comme à l'habitude, c'est tout le temps la même chose. Vous allez comment ils s'appellent eux autres, donc? Il y en a tellement des gros pasteurs. Là. iPhone Dev Team ou Chronic Dev Team. Les deux ont une outil de sortie, je pense. Oui, les deux. Puis I'm Reload aussi va avoir son application d'ici la fin de la semaine. OK. Avec Assassino, ils vont l'implanter d'ici la fin de la semaine. Fait que si vous voulez, vous pouvez le faire maintenant. Ça fonctionne. Je pense que leur application est vraiment user-friendly. Là. Eux autres, quand ils étaient un petit peu dans un vallon descendant, c'est-à-dire que le monde, il y avait comme 2-3 personnes là, qui pouvaient chercher pour les failles pour 5.01. Fait que les autres se sont retournés de bord puis ont dit on va programmer quelque chose qui est tout en un. Puis je pense que c'est une belle petite application qu'ils ont concoctée. À noter toi, pour le jailbreak. Alexis, t'es-tu jailbreaké, toi, ton téléphone? Non, absolument pas. Okay. Il peut pas. Voilà. Qu'est-ce que t'allais dire, Jeff? Mais lui, il peut pas, Alexis, jailbreaker son téléphone. Il y a un 4S, il ne se jailbreak pas encore. Mais là, ils sont en train de fouiller là-dedans. Là. C'est le 4S puis l'iPad 2 qui ne fonctionne pas, je pense. C'est ça. À cause tous les processeurs A5. À cause de la puce A5. Mais si je ne me trompe pas, la semaine passée, il y avait quelque chose qui était sorti. Pod to go, je pense. C'est un des gars qui fait beaucoup de recherches là-dedans. Puis je pense qu'il a sorti une information comme quoi il avait réussi à passer. Là, bon, ils ont quelques obstacles là, à circonvenir, mais il avait réussi à en passer un, puis assez important, là, si je me trompe pas. Là, donc, non, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que c'est Pod2G qui a fait la découverte du 5.0.1. Okay. Fait que c'est à lui qu'il faut remercier si vous utilisez la dernière version, parce que c'est lui qui a trouvé la faille pour installer le merveilleux monde de Cydia. Fait que, je vais mettre les liens, je vais mettre le site web dans le chat pour que vous allez voir. C'est eux autres qui ont l'application la plus simple à date. Puis ceux qui nous écoutent en rediffusion, je la mettrai dans en post-prod là, dans le podcast. Là. Les notes. Dans les notes. Podcast. OK. Ouais. On va inviter d'ailleurs I'm Reload bientôt à venir nous en parler parce que c'est assez intéressant ce que Apple a fait comme changement puis comme amélioration directement dans la puce A5 pour les empêcher. Puis je pense que pour ces gars-là, en fait, j'ai essayé de poser, tu sais, en parlant avec I'm Reload, j'ai demandé, oui, mais tu sais, faites-vous de l'argent avec ça, tout ça? Fait que c'est non, ils en font pas. Puis c'est vraiment pour le kick. Donc, que Apple continue à améliorer les systèmes pour circonvenir au jailbreak, je pense qu'eux autres, ça les fait triper en quelque part, tu sais. Puis ils aiment ça. C'est un gros challenge pour eux autres. Puis en ce moment, là, ils en ont tout un, là, parce que Apple a mis des bonnes barrières. Mais, tu sais, la personne que Apple acheté, qui ont engagé, qui vient justement du monde de... GeoWatt? Ouais. Puis... Hein? Non. C'est pas GeoWatt. Tu sais, celui du début, là, c'est que Partidia, mais pas loin, là. Comment il s'appelait? Je m'en rappelle pas, ça. Je vois sa face, mais je ne me rappelle pas de son nom. En tout cas, il a été engagé par Apple. Puis, j'imagine il doit participer un peu à trouver des... Moi, j'ai passé par cette faille-là, puis blablabla. Puis, il doit aider Apple à fixer des petits problèmes que... C'est sûr que c'est long engagé. C'est pour trouver ce genre de truc-là. C'est vrai qu'ils en ont engagé quelques-uns. D'ailleurs, je me souviens pas... qui c'était, mais c'est pas GeoWatt. Là. GeoWatt, c'est le kid de 19 ans là, qui a passé son année à se faire poursuivre par Sony. Puis ça n'a pas été une joyeuse année pour lui, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont été engagés par Apple. D'ailleurs, cette semaine, on a appris que il y a Jean... Est-ce que je l'ai mis, cette news-là? C'est Comex, son nom. Ah oui? Comex. Roi du jailbreak, blablabla. Il y en a un autre qui a été engagé par Apple cette semaine. Il y a Jean-Michael Cart, qui est un designer. Un designer d'interface. Et si vous cherchez sur Google Jean-Michael Cart, Jean, c'est J-A-N. Donc, j'aime mieux l'épeler parce que c'est pas souvent qu'on le voit écrit comme ça. Donc, Jean-Michael Cart, C-A-R-T. Et ce monsieur, en fait, avait fait sur son site quelques vidéos des proof of concept, en fait, de à quoi pourraient ressembler différentes implantations de, par exemple, les notifications dans iOS 5. Mais avant même que Apple les ait démontrées, avant même que Apple les ait présentées dans iOS 5, et c'était très, très près de la réalité. C'était des trucs qui étaient vraiment très, très beaux, très, très friendly user. D'ailleurs, en fait, il y a des concepts sur son site pour des widgets, pour rajouter des widgets à la manière d'Android. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait dans iOS, mais lui, il l'a proposé. Et ce monsieur a été engagé cette semaine par Apple. Puis c'est des trucs vraiment beaux qu'il faisait. Donc, les gens, en fait, sur Mac Forever capotaient un peu parce qu'ils pensaient que Jonathan Ive était parti, mais Jonathan Ive s'occupe du design de l'appareil en tant que tel, alors que Jean-Michael Cart, ben lui, c'est un designer d'interface. Là, donc, c'est plus au niveau logiciel, en fait, là, que ce monsieur pourrait aider. J'ai demandé à Emery Load, mais il est occupé. Ah, il est au lac Saint-Jean, il doit pas avoir... Il est au lac Saint-Jean, non, c'est ça. Il doit pas avoir une bande passante très importante, puis non, ça reste difficile. Ouais. Lac Saint-Jean puis bande passante, ça vient pas ensemble. Non. Passer Trois-Rivières. Ouais, Trois-Rivières, Vidéotron se rend là avec son TGV. Là. Même le 120, il se rend pas à Trois-Rivières. Là. Je crois que c'est juste Montréal. Le TGV, c'est Québec. 120, c'est seulement à Québec. Ah, c'est juste Québec? Ouais. C'est des tests qu'ils font en ce moment à Québec. Puis ça fait 6 mois, je pense, qu'ils font des tests là-bas. Puis ils ont dit que ça s'en venait à Montréal. Alexis, parle dans ton micro, s'il te plaît. Oh, désolé. Donc, c'est parce que je me retourne puis je regarde Vincent qui est à côté de moi, tu sais. Puis, face à face. Non, c'est ça. Oui, ben, sauf qu'il n'est pas fait comme ça. Mais juste une petite parenthèse, vite. Google font des tests justement sur, pas la bande passante, mais sur offrir un service Internet. Je sais pas si j'imagine que tu en as entendu parler. À San Francisco, là, je sais qu'ils faisaient un test. Je sais pas si c'est San Francisco. Je sais qu'en Oregon, ils font des tests. C'est genre gigabit là, ou 10 gigabits? C'est 100 gigabits. Wow! 100 gigabits d'Internet. T'sais, je veux dire, personne offre 1 gigabit. Non. Ils veulent en offrir 100. Ils font un test genre avec 5000 personnes pour voir si ça fonctionne bien, puis si le réseau peut rouler, puis tranquillement ouvrir. Ben, si je m'en vais bien à San Francisco, puis que je suis capable d'avoir ça, ça va être mon goal. Ouais, mais ton ordinateur va passer au feu, c'est sûr. C'est la vitesse qui va rentrer là-dedans, là. La carte réseau va passer au feu. Ça va être mon AirPod Extreme qui va pas fournir, parce qu'il va faire quoi? C'est 450 mégabits? 450 mégabits. 450, ouais. En Wi-Fi, ils sont en train d'élaborer des normes pour obtenir du gigabit, là. OK. En Wi-Fi. OK. Ouais. Puis sinon, ben, il y a... Moi, j'ai un chum, il s'est acheté une fusionneuse sur eBay, puis si tu veux de la fibre optique chez vous, il peut t'en installer. C'est quoi une fusionneuse? Une fusionneuse, ben c'est... Non, c'est pas... C'est mettons que t'as une nouvelle maison, installer de la fibre au niveau de ta maison, ce qui servirait à peu près à rien, là, on s'entend. Non, c'est ça. Ça coûterait à peu près la même chose que de mettre du câble réseau au niveau du prix. D'ailleurs, je vais faire une petite plug. Là, si vous cherchez sur Internet, c'est un monsieur, un ami à moi qui fait des installations Wi-Fi assez fucked up. Si vous avez une place qui prend pas, vous avez des troubles avec le Wi-Fi, puis vous avez appelé tout le monde pour vous aider, là, vous avez posé des questions à la moitié de la ville, ben, puis il n'y a personne qui a trouvé la solution. Lui est capable de trouver la solution. C'est le gars qui a fait... Si vous allez à l'exposition Indiana Jones qui se déroule en ce moment au Centre des sciences, tout le système est Wi-Fi là-bas avec des espèces de bebelles, en tout cas Android ou je sais pas quoi, là, pour se promener. Ben, c'est écouter, mais tu peux... En fait, au début, tu faisais une espèce de chasse au trésor à la Indiana Jones en scannant des morceaux de l'exposition. Là, depuis, ils l'ont, je pense, enlevé. Ça marchait pas super bien. Mais c'est ce gars-là qui a fait le système sans fil là-bas. Ça s'appelle Internode, sa compagnie. C'est un bon ami à moi. Internode. Ouais, okay. Si vous avez, mettons, je sais pas, là, un terrain dans le nord, puis vous recevez pas de l'Internet, puis vous en recevez, mais au village voisin, le gars, il est capable de vous installer une antenne dans le village qui vous propulse à 3-4 km du Wi-Fi. Non, c'est bon. Puis ça vous coûtera pas une fortune. Mac Québec, présentation d'Internode. Et voilà, il va être content. Ouais. En passant, en parlant d'Indiana Jones, avez-vous vu Star Wars s'en vient au Musée des sciences aussi? Oui. Oui, ça va. Ça risque d'être assez... Parlant de Star Wars, je vais vous montrer... je vais faire mon frère. Bon. Ton frère, toi? Arrête. Il nous sort une bébelle une fois par semaine. Oui, oui, ben, il faut. Ben, il l'a déjà montré, ça. Hein? Tu l'avais déjà montré? Non, je l'ai montré sur Facebook, mais je l'ai reçu. Je ne l'avais pas reçu encore. Je l'ai commandé. C'est un Oodies édition spéciale Star Wars que Echo, la compagnie Echo, fabrique. Il est vraiment chouette. Ça donne ça. C'est le manteau de Luke Skywalker. C'est le manteau d'un pilote de X-Wing, avec le capuchon, tout ça, les dessins de la rébellion. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que caché dans le capuchon, il y a même la visière. Ah. La visière des pilotes que tu peux te mettre devant les yeux s'il y a trop de soleil. C'est vraiment drôle. Moi, j'imagine les personnes qui vont écouter le podcast plus tard sur iTunes. Oui, se faire décrire, en fait, Se faire décrire quelque chose, c'est merveilleux. C'est un hoodie, ce qui est à l'effigie, en fait, qui ressemble. Il est orange, exactement comme la combinaison de pilotes de Luke Skywalker, de Wedge, tout ça. Quand, dans le premier film, ils s'en vont tirer sur l'étoile de la mort, donc de la Death Star. Donc, c'est ça. C'est un cadeau que je me suis payé. Puis en haut aussi, j'ai reçu ma... Je me suis commandé une reproduction de Steve Jobs avec comme la grosse tête, là, qui est dans un espèce d'écrin en verre, mais c'est pas en verre, c'est en plastique. Là. Puis il y a un iPhone dans les mains, il est très drôle. Check bien ça, je vais faire un lien. Je prendrai, pendant ce temps-là, là, si ceux qui l'écoutent en rediffusion, en AC, tantôt je prendrai une photo, puis je vais la rajouter en image, comme ça vous le verrez... dans le podcast en différé. Vas-y donc avec ton lien. Oui, hey, Alexis, t'as-tu reçu ton iPad 2 de Lady Gaga? Non, j'ai essayé de le commander avec 18 comptes, puis tout ce que je reçois depuis, on m'a volé mon identité, tout ça. Comme elle, en fait, ben, c'est ça, la pauvre fille, elle s'est fait hacker son compte Twitter, puis on sait qu'elle n'a pas comme 400 suiveurs, là. Elle est à 1 million, je ne sais pas combien, là. Je sais pas à combien qu'elle est rendue. Hein. Je pense que c'est encore la top numéro 1 sur Twitter. Là. Mais non, c'est ça. Elle a donc beaucoup de followers. Puis elle s'est fait voler son compte. Les détails sont pas donnés. Mais bon, son mot de passe devait être le nom de son chien ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être... C'est 17 405 756. Wow! 17 millions? 17 millions. Hey, tu veux-tu qu'elle dise ton nom dans un de ses tweets, elle? Tu vas avoir le nombre de suiveurs qui vont exploser. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, elle s'est fait hacker. Puis pourquoi on parle au podcast de Mac Québec du compte de Lady Gaga sur Twitter? Parce que normalement, il n'y aurait pas de rapport. Bien, la raison, c'est parce que pendant le temps qu'elle s'est fait hacker, elle disait aux gens, donc les hackers qui ont pris possession de son compte, disaient « Allez à telle adresse, j'offre un iPad 2 à tous mes followers sur Twitter. » Tu sais. C'est vraiment pas une bonne idée là, de faire ça là, à 17 millions fois 549 $, mettons le petit modèle. Là, ça doit donner un chiffre assez impressionnant. On est mieux d'acheter du CD ou de télécharger ces tunes du iTunes Store là, à Lady Gaga. Fait que c'est ça, pauvre fille, elle s'est fait hacker. Elle s'est fait hacker son... Ah mon Dieu, je sais même pas comment le dire. Félix, ton iPhone, tu vas voir. Je sais même pas comment le dire. Attends, on va regarder ça. J'ai fait 17 millions fois 549 $. Ouais, ben ça, c'est sans compter les taxes. Là. Ouais, ouais, mais on parle de prix de base, là. Ah, elle a peut-être un deal de Apple si elle achète en lot, là. 529 $. Ouais, c'est ça. Il y a eu des iPods dans le temps où c'est. Tu sais, qui était en rouge ou qui était signé avec vrai. Avec Bono, là. Ouais. Ça aussi, je sais pas combien ils en ont vendu. Pas beaucoup. Non? Non, fie-toi sur moi. Pas non, beaucoup. Non, ils en ont pas vendu gros. Regardez ce que ça donne. Ouais, d'abord. Je vais essayer. Ça donne 9.333 E plus 9. La calculatrice se rend pas là. Non, c'est ça, ça ne rend pas là. C'est 9 milliards 882 millions. Wow. de dollars. C'est quelque chose. Je sais pas, on a perdu Bernard depuis un petit bout de temps, puis il n'est pas de retour sur... C'est qui est là, là? Ah, il est là, là. Je vais le rajouter, là. OK. Mais, non, mais ah, je pense... Ah, il vient de se brancher sur Skype. Il vient de se brancher sur Skype. On va le réinviter. Il y a peut-être des petits problèmes de... Ah, salut. Question. Salut bien. Non, je l'ai enlevé. As-tu des petits problèmes avec ton Internet ce soir, Bernard? J'ai un problème avec mon interface USB, puis je m'entends encore en double. Oh! Il faudrait que tu fermes nos micros, par contre. Ferme nos micros, Bernard, par exemple, en dessous de nous autres. Prochaine nouvelle, en fait, c'est Apple qui s'est acheté une compagnie cette semaine. La compagnie, c'est Anobits. Puis au prix qu'ils l'ont payé, on s'attendrait à ce que ce soit un petit peu plus connu que ce que l'est. Anobits, c'est une compagnie qui possède une technologie d'optimisation des cellules de mémoire flash. Donc, c'est une compagnie qui a développé, je pense, un algorithme ou quelque chose comme ça, qui fait que implanté dans des cellules flash, ces cellules-là peuvent durer plus longtemps. Ça ressemble à une technologie trim, la technologie là, que Apple supporte que depuis tout récemment pour les disques durs SSD. Puis ça permet en fait que ça permet ça, là, que la mémoire flash, même si elle est cheap, si elle n'est pas censée durer longtemps, ben cette technologie-là fait que cette mémoire-là dure plus longtemps. Et c'est intéressant comme acquisition pour Apple parce que ça fait deux choses. Ça fait qu'eux s'assurent l'exclusivité de la technologie. Donc, eux autres vont, à partir de ce moment-ci, vont être les seuls à pouvoir utiliser des mémoires cheap ou qui leur coûtent moins cher à mettre en place. Donc, là, ils vont l'utiliser soit à deux choses, soit à faire baisser le prix de leur appareil ou soit à s'en mettre plus dans les poches. Donc, ils vont faire plus d'argent, puis s'ils font plus d'argent, ils sont plus à même d'être en avant des autres tout le temps. Puis l'autre chose, c'est que ça va laisser l'odieux aux compétiteurs de se trouver une autre technologie qui risque d'être moins efficace pour optimiser leurs propres cellules. Parce que la technologie de Anobits, elle est disponible dans beaucoup d'autres... chez beaucoup d'autres compagnies. Acer, entre autres, l'utilise. Il y a d'autres compagnies. Et c'est une compagnie israélienne. Donc, d'abord, il faut savoir qu'en Israël, il y a un gros boom au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies. C'est considéré pas mal comme un nouveau Silicon Valley. C'est assez important. Il y a trois gros pôles à travers le monde, soit Silicon Valley, l'Israël, et puis quelque part dans les pays scandinaves, je me souviens plus trop où, là, en Suède ou quelque part comme ça. Norvège, peut-être. Et c'est aussi, en quelque part, c'est un statement politique d'aller vers l'Israël. C'est toujours un peu spécial. C'est un pays qui est très, très développé. Comme je l'ai dit, en nouvelles technologies, ils sont vraiment très, très présents. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations qui sortent d'Israël, mais à cause de ces politiques, je ne veux pas m'aventurer là-dessus, mais... Politique différente des autres, dans le fond. Voilà, sans élaborer. donc, c'est un peu spécial. Puis, en fait, c'est par le compte Twitter du président ou du premier ministre d'Israël que ça s'est su. Il disait bienvenue à Apple qui venait d'acheter cette compagnie-là sur son compte Twitter. Ça d'après fait moi, on... Oh, vas-y, Bernard. Ça fait un peu Alphabits comme nom de compagnie. Ouais, c'est vrai. Ah, je m'entends plus avec des échos, ça marche. Excellent, bon. Bravo. C'est bon. Une des choses qu'il faut noter, c'est que Anobits, c'est une compagnie c'est une compagnie qu'Apple a acquérie au coût faramineux de 500 millions de dollars. La dernière dépense que Apple avait fait de cet ordre-là, c'était de 445 millions. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'était quelle compagnie qu'ils avaient acheté? Affaire de cartes? Siri? Non. Ouais, Nuance? Non, c'est une Nuance? Non. Si je vous dis que c'est le grand-père de OS X. Ah, c'est Next. Voilà. Donc, c'est Next qu'Apple avait acheté à 445 millions. Et même si on prend l'argent de cette époque-là, c'est-à-dire 1995-96, et qu'on le transforme en argent d'aujourd'hui, là, parce qu'il y a toujours une fluctuation, ça ne revient pas à 500 millions de dollars. Donc, c'est l'achat le plus gros que Apple aurait fait. Donc, pour Apple, c'est vraiment une pièce stratégique. Il faut aussi comprendre que 500 millions, c'est à peu près un 160e du trésor de guerre d'Apple, qui en possède rien, 80 milliards. Fait que des compagnies comme ça, il aurait pu s'en acheter 160. Là, ben oui, c'est ça. Puis, pour la petite histoire, c'est quand Apple a réinvité Steve Jobs à venir chez Apple, il y avait une condition, c'était d'acheter Next. C'était le projet sur lequel il avait travaillé. Puis en fait, c'était probablement pour Steve. Puis probablement que c'est écrit dans la biographie que j'ai toujours pas à peu près commencé. Là. Probablement que c'était une façon pour dire à ces gens-là, écoutez, en achetant la compagnie, tu vas acquérir tous les bons penseurs qu'il y a dans la compagnie. Puis au lieu de juste sacrer son camp puis de laisser vivre Next par eux-mêmes, il a décidé en fait de varioler Apple en implantant Next dedans. Là. C'est probablement ça qu'il a fait. Puis c'est ça qui a fait que OS X est sorti il y a une couple d'années après. Là. Ben, en tout cas, on va en entendre parler de cette petite compagnie-là, d'après moi, dans très prochainement, je pense. Bien, je ne sais pas de quelle façon, parce que c'est peut-être juste un mot stratégique pour Apple, dans le sens où cette technologie-là, ils l'utilisent déjà. Tu sais, puis on n'a jamais entendu parler. Tu sais, t'as pas à savoir ça, là, qu'il y a un algorithme d'amélioration de la mémoire flash ou de je sais pas quoi. Donc, tu sais... Mais de ce temps-ci, on achète plus les brevets qui viennent avec la compagnie. Là. Oui. Bien souvent, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des brevets qui sont exclusifs à cette compagnie-là. Puis bon, on achète la compagnie, donc on achète les brevets qui viennent avec. Là. Parlant de brevets, merci Bernard de m'avoir permis de faire un lien comme ça. Je pense que je l'ai pas, indiqué dans les news du podcast, mais cette semaine, il y a 2-3 jours peut-être, Apple s'est fait octroyer le brevet sur l'écran touchscreen, ou en fait un des brevets qui est vraiment très très important pour son écran touchscreen à lui. Donc quand Steve avait présenté le iPhone en 2007, il avait dit en fait que il avait demandé les brevets sur à peu près tout, puis ça prend toujours un peu de temps là, avant que le brevet soit octroyé, des vérifications qu'il faut qu'il soit faites et tout ça. Et Apple a reçu son brevet cette semaine pour ça. Donc, c'est de la manière que l'écran tactile perçoit le doigt puis tout ça. Là. Donc, c'est eux qui avaient inventé. C'est peut-être dur à dire, mais en tout cas, c'est eux qui ont demandé le brevet là-dessus et cette semaine, ils l'ont eu. Donc, ça s'en va aussi dans leur espèce de imposante armoire à brevets. Mais tu sais, quand tu parlais de la technologie, c'est peut-être... je sais que ça, c'est cette technologie-là, mais peut-être le brevet ne l'est pas. Avant, c'était des points qui étaient sous l'écran qui, dans le fond, plus... Tu touchais puis il sentait. Maintenant, c'est dépendant du courant électrique de ton doigt versus l'écran. Il reconnaît un choc électrique. C'est pour ça que quand tu as des gants, tu peux pas vraiment le faire, à moins d'avoir l'espèce de fer en métal. Là, où, ça se peut-tu qu'il y ait une poche de gaz dans l'écran? Je pense que c'est ça. Écoute, sur le site, quand tu t'en vas voir des vieux articles de Apple où ils présentent le téléphone le premier, tu vois trois couches. Puis tu vois, la première couche, c'est plein de lignes entrecroisées. Je pense que c'est soit où ça contient justement cette poche-là, ou des fils, simplement des petits fils électriques qui sont tellement petits qu'on les voit pas à l'œil nu, mais que si jamais tu prends ton iPhone, tu regardes au soleil avec un certain angle, tu vas voir plein de petites lignes, pas orange, mais couleur comme plus mercure. Puis je pense que c'est vraiment ça, ça doit être ça la technologie qu'ils ont pris, parce que c'est ça qu'ils utilisent pour le iPhone. Mm-hmm. Vous pouvez faire vos propres gants pour ça. Mm. On peut les acheter, mais on peut aussi les fabriquer soi-même. Je regarde le site TIPB. Je vais essayer de vous copier-coller ça. Ah, attends, c'est pour le multitouch que le brevet a été octroyé. Okay. Parce qu'au moment de présentation du téléphone, ça n'existait pas, le multitouch. Fait que maintenant, en fait, toutes les compagnies le font. Puis s'ils le font un peu de la même manière qu'Apple, 2012 risque d'être une année faste pour les avocats d'Apple. Oui, parce que si ça avait été le touch, la plupart des écrans maintenant, là, quand on a vu avant les smartphones puis d'iPhone, puis maintenant avec les iPhones, tout est différent parce qu'ils utilisent à peu près la même technologie, d'électricité avec les doigts. Donc, ça serait peut-être plus compliqué à trouver ce brevet-là. Pardon. Puis la technologie d'Apple, en fait, avant les écrans touch, on pouvait leur toucher. Il y avait un point de contact. Mais la technologie d'Apple, ce qu'elle permettait de faire, c'est d'en détecter plusieurs simultanément, mais aussi de faire la distinction entre un contact franc, un quasi-contact et un survol. Donc, survol, je ne l'ai jamais vu, par exemple. Est-ce que vous avez vu des cas de figure ou est-ce que vous avez utilisé votre téléphone puis il réagissait à un survol au-dessus de l'écran, c'est-à-dire que vous ne lui touchiez pas? Bien, des fois, quand j'approche mon doigt très, très, très près, des fois, je trouvais qu'il le reconnaissait un peu. Okay. Mais on dirait que je ne l'avais pas touché, puis il passait. Probablement que soit que je le touchais à peine ou qu'il passait à peu près, puis que le choc électrique se faisait. Là. Des fois, quand tu es très, très proche, le courant électrique peut passer. Là. Mais si je l'essaye, là, ça ne marche pas. Là. Le survol, il doit y avoir certaines options qu'ils font, puis pas d'autres. Là. Donc, ouais. Et est-ce que tu veux nous parler de 10 points? Aviez-vous quelque chose à rajouter là-dessus, les gars? Non. OK. On va passer à la prochaine nouvelle, en fait, qui est le 21 décembre passé. Avant Noël, donc, Apple a lancé la nouvelle version de 10.7.3 pour les développeurs. Donc, c'est pas un téléchargement que tous et chacun peuvent faire. C'est vraiment pour les développeurs. En fait, c'est pour bêta-tester avant le lancement qui devrait survenir normalement dans les premières semaines de janvier. Et qui, historiquement, en fait, la version 10.x.3 est la version qui va vraiment stabiliser le système d'exploitation puis qui devrait le rendre, si on veut, là, opérable dans un contexte commercial, là, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que on a toujours, tu sais, évidemment, si votre ordinateur vous sert à tous les jours à produire puis à mettre du pain sur la table, du beurre dans l'assiette, ben peut-être que mettre le nouveau système d'exploitation la journée 0, la journée 1, où est-ce qu'il sort, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, souvent, on dit d'attendre à la version X.3 pour le faire. Et si on lit, en fait, Apple demande de vérifier au niveau des iCloud Document Storage, de l'Address Book, de eCal, de Mail, de Spotlight et de Safari. Puis pour ma part, en fait, là, je suis bien content de voir Mail apparaître là parce qu'au niveau de l'outil de recherche de Mail, je le trouve pourri depuis 10.7. J'ai vraiment de la misère. Il m'arrive en fait souvent de retourner dans l'interface web de Google pour aller faire une recherche sur un document que je sais qui est là, que Google me trouve, mais que Mail n'est pas capable de me trouver. Ouais, t'as entendu parler souvent aussi dans d'autres podcasts. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé aussi, j'avais un peu de misère à trouver, même pas nécessairement dans la recherche, mais Mail conservait pas tous mes courriels. Je savais pas trop pourquoi. Ouais. Sinon, dans un autre ordre, je vais juste rajouter quelque chose à ça. La 10.7.3, d'après moi, va sortir le 9 janvier. Oh! Parce que dans la 10.7.3, ils ont découvert des nouveaux pilotes pour les cartes AMD, Radeon, là. Pour les nouveaux Mac, ben pas les nouveaux, pour les Mac Pro. C'est une Radeon HD 7970 PCI Express 3.0. Mm-hmm. Fait que, voyons, AMD vont l'annoncer, elle va sortir le 9 janvier. Okay. Fait que d'après moi, le 10.7.3 va sortir genre la première semaine de janvier, parce que s'ils la mettent sur le marché, il faut que les pilotes soient dans la nouvelle version, sinon elle ne fonctionnera pas. Là. Fait que, mais c'est de la carte vidéo, en tout cas. Oui. J'ai l'image devant moi, là, puis ouh, ça doit produire quelque chose. C'est dans un Mac Pro qu'on pourrait mettre ça? Oui, oui, oui, oui. La grosseur que c'est, là, c'est sûr que c'est dans un Mac Pro. Ce sera pas dans un portable. Et crime, non. À moins que t'ailles, ton portable soit épais de même, là. Fait que... Mais non, c'est ça. Fait que dans cette version-là, il va y avoir des nouveaux pilotes pour les nouvelles cartes AMD. Ok, excuse-moi. J'ai fermé mon micro. Bravo, champion. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait mettre la carte dans... on va dire une boîte qui pourrait exister plus tard, où tu pourrais mettre ta carte branchée en Thunderbolt pour l'avoir. Un enclosure Thunderbolt, effectivement. Ouais. On a vu des preuves de concept de ça. Je pense qu'il y a quelques compagnies qui en fabriquent. Sinon, cette semaine, les gars, est-ce que vous consommez beaucoup de télévision sur iTunes? Ben moi, j'en prends là avec mon Apple TV. Oui, tu les loues ou tu achètes les saisons? J'achète. T'achètes? Ben, tu vas peut-être être content parce que Apple, cette semaine, a lancé le système complète ta saison. Ou en fait, complète ma saison, là, parce que c'est un bouton devant toi qui va apparaître. C'est un peu comme complète mes albums. Ça existe déjà depuis un certain temps dans iTunes. Si tu as acheté quelques chansons d'un album, ben, tu peux, dans un menu déroulant, lui demander de compléter cet album-là. Puis il va te le charger pour, mettons, tu as acheté 3 chansons, donc 3$ de chansons, 3 fois 99 sous. Ben, il va te faire un rabais de 3$ sur l'album au complet. Et tu peux faire, évidemment, en fait, au niveau des séries télévisées, c'est plus intéressant parce que c'est beaucoup moins cher de l'acheter la passe de saison, par exemple, ou d'acheter la série au complet, que d'acheter les séries individuellement qui vont être 3-4 $ mais que la saison va peut-être être 10 $ ou 20 $ Donc, la fonctionnalité complète de ta saison peut être très intéressante. Puis en plus, je pense, si je ne me trompe pas, ça va la rajouter, la dernière mise à jour du Apple TV permet ça, ça va la rajouter dans, comment ça s'appelle, dans ton Apple TV, sur iCloud. Donc, ouais. Donc cette semaine, ils l'ont rajouté, là, si je ne me trompe pas, ou la semaine passée? Ben, il l'avait ajouté il y a à peu près 2-3 semaines, mais ils l'ont enlevé parce qu'il y avait un problème avec les achats. OK. Puis là, ils l'ont remis. Ah, fait voilà. Là, avec la dernière version, ils l'ont remis. Fait qu'ils ont dû corriger le tir. Puis je me trompe-tu ou ça n'a rien à voir avec une mise à jour du système d'exploitation de la bebelle? Pas en tout. C'est bizarre, hein, qu'un menu comme ça puisse apparaître ou disparaître parce que moi, je suis à la version encore 4.3. Je suis pas à iOS 5 sur mon Apple TV. Mm-hmm. Puis cette option-là, elle est dedans. Je trouve ça vraiment bizarre. Ben c'est comme iTunes Match. Qui ont fait apparaître, oui. Ils ont fait apparaître comme ça, là, d'une shot. Là, d'après moi, ils ont ouvert les ports, puis merci, bonsoir, tu as accès. Là. Ouais. Ça doit être à peu près la même chose. Là, fait que... Ça se peut très bien. Même quand ton appareil est jailbreaké, ça marche. Oui. Aussi, oui, voilà. Fait que... Il y a un pipeline direct. Oui, c'est ça. On va s'excuser tout de suite pour ceux qui nous attendent de l'autre côté aux amateurs de Mac Bonsoir. On va encore exploser le temps. On devrait peut-être mettre une demi-heure de différence entre ces deux shows-là parce que ouais. c'est toujours ce qui arrive. Écoute, on a commencé à 9h15, fait que on peut commencer 10h15 un peu plus après. Là. Voilà. Ouais. On va rapidement faire le tour, surtout que Vincent nous a préparé une chronique pour aujourd'hui. Fait qu'on va essayer de faire le tour des nouvelles vite. Il en reste 3 petites nouvelles. En fait, 2 petites nouvelles. On fera sauter la dernière, c'est pas trop grave. C'est Apple cette semaine qui a proposé un guide pour comprendre iTunes Match. Est-ce que vous êtes abonné à iTunes Match? Il est à temps. Oui. Pas encore. Ben, je me suis abonné live dans la dernière Dans le dernier podcast édition. Pour aller voir, effectivement. Puis on en avait parlé, on disait d'un côté, oui, tu vas pouvoir télécharger tes chansons. Non, c'est seulement du streaming. En fait, sur un ordinateur, c'est du streaming jusqu'à temps que tu demandes le téléchargement de la chanson, si elle se trouve uniquement dans iCloud. Sur un produit iOS, c'est quand tu demandes en fait d'écouter la chanson, elle est téléchargée dans ton appareil et elle y restera jusqu'à temps que tu lui demandes de t'en débarrasser. Tu peux lui demander de l'effacer directement. Et sur Apple TV, évidemment, ben, ce n'est que du streaming. Puis en fait, avez-vous rencontré des petits problèmes avec ça ou... Ben moi, je voulais écouter parce que je l'album du pop tombe 8. Oui. Et le, vu que les fichiers sont tellement... le fichier dure à peu près 15 minutes par thème, tu sais. Ouais. Et ça fait plus que 20 mégs. Fait que tu pouvais pas le télécharger sur le 3G. En 3G, il ne passe pas. Ah, j'avoue que c'est un beau bug, ça. Oui, je suis très déçu. C'est un peu con parce que les podcasts de plus de 20 mègres fonctionnent. Ah ouais, c'est vrai? Oui, les podcasts. Il me semble que oui, tu n'es pas obligé de te connecter si tu veux sur la route. Parce que, moi, depuis tout récemment, j'ai commencé à télécharger mes podcasts sur la 3G. Un podcast en soi, ça va durer, c'est sûr, plus que... ça va être plus que 20 mègres parce que justement, tu pousses pas 5 minutes de chanson. Non, c'est ça, c'est 50 quelques mègres au minimum. Le nôtre doit tourner autour du 83. Entre 60 et 80, là, je suis pas sûr. Puis même avec Frank, je pense que ça tournait autour de 100. Là. Okay. C'était très, très long. Frank the Tank, pour ceux qui n'ont pas encore des podcasts. Quand il parle, lui, ça pèse lourd, c'est pour ça. il décidera si c'est un compliment ou pas, mais ça pèse lourd. Oui, c'est ça. Oui. Finalement, pour en fait, ben c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment trouvé de problème avec iTunes Match. La seule chose peut-être qui est bonne à dire, c'est que on peut rajouter des colonnes. En fait, si vous cliquez dans iTunes sur l'espèce de colonne où est-ce que c'est marqué album par artiste, le nom de la chanson, les plays, tout ça. Si on clique droit sur cette ligne-là, ben vous avez un menu déroulant qui apparaît et là-dedans, vous avez un paquet d'informations, de sélections que vous pouvez faire et qui vont être l'identifiant d'un épisode, l'album, le byte rate de la chanson que vous écoutez, quand est-ce que vous l'avez écouté en dernier, un paquet d'informations comme ça, si vous avez skippé la chanson, tout ça. Et tous ces paramètres-là vous permettent de créer, entre autres, des listes de lecture intelligentes. Mais dans ça, vous avez en fait deux nouveaux trucs que vous pouvez rajouter qui sont iCloud Download et iCloud Status. Donc, dans iCloud Status, vous pouvez avoir en fait si la chanson est un duplicate, si elle est inintelligible, si elle attend d'être uploadée ou si elle a été uploadée directement sur... iCloud. Donc, ça permet de peut-être mieux gérer puis de vous faire une liste de lecture avec les chansons qui sont uniquement sur votre ordinateur, entre autres. Ouais, puis là, moi, j'ai trouvé aussi un moyen avec les playlists intelligentes. Ouais. C'est long, par exemple, à la créer. Là. Il va chercher toutes les chansons que tu as de 256 kilobits. Ouais. Bon. Tout ce qui est reconnu par le iCloud qui est dans la base de données de Apple. Fait, si c'est pas si tu les as pas achetés de Apple, fait, ce que tu peux faire, tu peux les effacer et tu peux les retélécharger directement de la base de données de Apple. Fait que tu vas avoir la vraie version 256 à ton nom en plus là, fait que ça sera pas juste encodé avec comme si tu avais fait un achat sur iTunes. Ouais, exactement. Okay. Ça va être la même chose. En fait, c'est la seule façon qu'ils ont de protéger, si tu veux, les nouveaux documents. C'est une très bonne idée là, pour partir vraiment parce que il y a eu un temps où il y avait du monde qui piratait. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui retournent vers iTunes parce que c'est super facile. Mais ils sont pas liés encore avec ces chansons-là. Puis ils se disent pas, ben, je vais la retélécharger, puis ça va me coûter de l'argent, je l'ai déjà. Ouais. Fait que c'est parfait de repartir sur des bonnes bases. Puis, ouais, c'est en fait, on confirme, iTunes Match est vraiment un outil de nettoyage de vos contenus piratés parce que le matériel que vous téléchargez, même si dans un an vous cessez de payer pour iTunes Match, vous allez le conserver, il est à vous. Votre nom est associé au fichier MP3. Donc, la toune est tout à fait legit là, dans ce sens-là. Ouais. Et pour la dernière nouvelle cette semaine, ça m'a bien fait rire, en fait. C'est William Isaacson, le gars qui a écrit la... Walter Isaacson? Walter. Le gars qui a écrit la biographie de Steve Jobs qui dit, en fait, qu'il pourrait l'actualiser. Tu sais, c'est le livre qui a été vendu le plus cette année, on s'entend. Là, ça a pété tous les scores sur Amazon. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est « Ah ben peut-être qu'on va en rééditer, mais avec un chapitre qui aurait pas oublié, là, mais si tu veux, qui sont les derniers jours de la vie de Steve Jobs, qu'est-ce qui s'est passé au niveau mondial, tout ça. » Fait qu'il rajouterait ça, tu sais, c'est comme un « extended version » de sa biographie. Ouais. En fait, c'est une « patch », tu sais, mais t'es obligé... C'est un update de sa biographie, mais tu vas être obligé de l'acheter. En fait, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. De l'acheter? Ça va être disponible pour les développeurs. Oui, c'est ça. Ils vont le tester sur les développeurs en premier, puis après ça, ils vont l'appeler... En fait, ils auraient dû l'appeler bêta, tant qu'à faire. Là, ouais. OK, ça ne sera pas une mise à jour de ton livre. Là. Il va falloir que tu l'achètes. Comment ils vont te faire en papier une mise à jour de ton livre? Là. Je parle en papier. Ça a toujours été le défaut des livres là, de ne pas pouvoir se mettre à jour. Oui, c'est ça. Mais je parle, mettons, ceux qui l'ont acheté sur le iBook Store. C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont seulement te dire, ben, tu sais, ils viennent de rajouter le chapitre, fait que tu peux la retélécharger. Mais là, tu sais, ils vont avoir donné un bonbon au monde qui l'ont acheté Internet, qui l'ont acheté digital. Puis ils donneront rien à ceux qui l'ont acheté en papier, tu sais, qui ont voulu encourager puis avoir un objet physique. Fait que je sais pas comment ça va être géré. Je trouve ça un petit peu bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est un coup de marketing. Là. Ça sonne un peu comme si la maison me disait « Écoute, on a fait de l'argent avec ça. Pourquoi pas sortir ton chapitre qu'on n'était pas sûr au début? On va vendre quasiment autant. » Oui, c'est ça. On peut pas mettre le chapitre. Il vient de mourir. Fait qu'on va attendre un peu puis on va le rajouter après. Ouais, ça va fesser. Les malades vont se le racheter, tu sais. Dans les derniers mots de Steve Jobs, ouais. Oui, c'est ça. Bernard, ouais. Est-ce qu'on a encore des problèmes? On t'entend pas beaucoup. Mais pourtant, il est encore connecté, ce qui est très bizarre. Bref, on va laisser Vincent faire sa chronique. Parfait. Il faudrait trouver un thème. Hein, de... La chronique à Vincent. La chronique à Vincent. Miller. OK. Miller. On va enlever ça en post-prod. Moi, j'ai quatre sujets. Je vais essayer de rentrer ça dans le temps qui me reste. Je vais parler d'abord de la série. Je vais vous résumer un peu. La série du développeur que j'ai commencé, qui est en 5 articles sur Mac Québec. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'ont pas encore vu l'article, je crée un article sur comment commencer. Sur le monde du développeur d'Apple. Donc, c'est très bien écrit en passant. Je te remercie. C'est assez long à taper, d'ailleurs, mais avec des print screens d'écran, là, vraiment. Les deux premiers articles sont écrits. J'en écris un à chaque semaine. D'habitude, ça sort le lundi. Donc, le premier, c'est la préparation de votre plateforme de développement chez Apple. Donc, je vous montre un peu comment créer votre compte chez Apple, comment préparer... votre compte au paiement de Apple quand vous allez développer des applications. Je vous montre pas tout non plus, mais il y a des choses que je peux pas vraiment monter parce que faudrait que je crée puis j'achète un autre compte de développeur. Là. Mais je vous explique le plus que je peux. Puis comme je vous dis, c'est ça, il y a des print screens d'écran pour faciliter un peu l'inscription à Apple. Le deuxième article, c'est des outils et des logiciels de développement iOS. Donc, je parle de Xcode, je parle de iAd Producer, qui est préparer des publicités sur iAd, même si c'est pas très utile. Là. Je voulais quand même le mettre pour vous montrer que c'est très facile quand même. de créer de base, même si vous ne connaissez pas. Le code qui est normalement Objective-C pour les développeurs d'applications iOS, pour créer une publicité, c'est en JavaScript. Donc, ce que Google utilise pour Android, c'est du JavaScript, c'est la même chose. Moi, j'en fais pas, mais vous pouvez, dans le fond, vous n'êtes pas obligé, dans le fond, what you see is what you get, là. Tu peux mettre tes images sur l'écran, puis ça va faire ton application. Il y a des maps que tu peux rajouter pour si jamais tu veux faire de la publicité pour un commerce. Mais bon, je l'explique dans mon affaire. Puis, le simulateur iOS aussi que vous avez besoin pour développer des applications si vous ne branchez pas votre téléphone ou votre iPad dans votre ordinateur. Donc, avec le simulateur, je t'explique un peu comment ça marche. Les trois prochains, ça va être meilleur site web de développement d'applications iPhone et iPad. Donc, les meilleurs sites web que j'ai utilisés pour apprendre ça. Puis ceux qui vous aident aussi à développer des applications spécifiques. Le quatrième, c'est les meilleurs livres de développement d'applications. Parce que comme je le dis souvent dans les articles, c'est pas je vous apprends pas à comment programmer le code en tant que tel, l'objectif-C. Mais dans cet article-là, je vais vous parler des meilleurs livres pour moi, puis qui sont très bien cotés là, pour le développeur. Puis le cinquième, ça va être le matériel pour développer. Donc, oui, vous avez besoin idéalement d'un iPhone, d'un iPad, mais des accessoires qui viennent avec pour faciliter votre vie de développeur, que beaucoup de développeurs utilisent quand ils travaillent dans une compagnie justement de développement. Donc c'est ça. Puis ben, écoutez, si vous avez des suggestions. Du Red Bull, genre. Un support de Red Bull. Mais tu sais, c'est un support de iPhone. T'sais, c'est vraiment simple, mais en même temps, le laisser sur la table ou. C'est toutes des petites choses que je vais vous donner des trucs là-dessus. Les trois prochains sujets dans ma chronique, iOS 5.1, il n'y a pas grand-chose sur ça. Est embêtant en ce moment. Dans le fond, ce qu'ils ont rajouté, c'est le support. Ils n'ont pas amélioré Siri là-dedans? La dictation, c'est ça. La dictation, qui, justement, il va reconnaître des phrases que vous allez dire avec dictation support in text input views. J'avais pas lu ce bout-là. Est-ce que tu l'as installé, toi, Alexis, 5.1, sur ton 4S? Non, j'y vais plus. Mon téléphone, j'en ai besoin pour travailler. Fait que, comme je le disais tout à l'heure, là, autant sur mon téléphone que sur mon ordinateur. Bon, sur mon ordinateur, le 10.7, je peux me débrouiller, puis j'ai besoin de savoir les troubles que je vais avoir avec. Mm-hmm. Mais je suis pas développeur à proprement parler. Fait que commencer à installer ça, puis me retrouver avec des problèmes comme tu as eu, là, tu sais, mettons, l'iTunes n'est pas à jour ou des affaires de même, je peux pas vraiment jouer avec ça. Ouais, c'est ça. T'es pas un petit peu sur moi. C'est ça, dans le fond, ils ont modifié pour comprendre plus clairement les phrases que vous allez dire à Siri. Ils ne parlent pas de Siri en tant que tel, donc je ne sais pas si ceux qui utilisent dans les autres téléphones comme l'iPhone 4, il y a une espèce de bouton que tu peux utiliser. Là. Je sais pas si ça a été modifié là-dedans aussi. Là. Ils n'en parlent pas de Siri exactement, mais parce que ça a l'air pour être les développeurs aussi, là, mais bon. Je voulais faire aussi un retour sur iOS 3.0. Ça fait quand même un bout de temps. Deux ans, ça, à peu près? Ça doit faire au moins deux ans. Il y a eu des problématiques cette semaine. Sur quoi? Ben, iOS 3.0. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont eu de la difficulté. Tu peux plus acheter des applications, je pense, ou quelque chose ils comme ça. Ils l'ont corrigé, ça. Ça ne supporte plus. Ah oui, ils l'ont corrigé? Oui, ouais, c'était corrigé. C'était un problème d'eux autres. Ah, OK. C'est bon. Ça doit être sur le serveur, oui, parce qu'ils ont pas. Ça peut pas être une mise à jour. Ouais. Je vais vous faire rapidement les mises à jour qu'il y a eu de plus dans iOS 3.0. Donc, il y a eu le push notification. Avant, on n'avait pas de push notification d'Apple, là, le Apple Push Notification Service, le APNS. Là. Ça. Ensuite, le copy, cut and paste. Donc, vous aviez pas ça avant. Ils l'ont intégré dans le texte. Puis dans le WebView, puis bon, dans d'autres affaires. Ensuite, au niveau des accessoires, donc au niveau du pin du dock, là, 32 pins du dock connecteur. Ouais, c'est ça. Ils ont modifié pour, dans le fond, que ce soit plus facile pour les compagnies tierces. Donc, on s'entend que pour nous, on peut utiliser le iOS 3.0 plus facilement dans des stations d'accueil, dans des docks. le in-app purchase, donc acheter des... À l'intérieur des applications. C'est ça, des features, des fois dans des jeux, tu t'achètes des nouvelles armes, ces choses-là. Le peer-to-peer, donc jouer avec le game kit, là, le game center, donc jouer un à côté de l'autre, puis pas se partager l'écran, mais partager le même jeu, donc peut-être jouer un contre l'autre au hockey ou quelque chose comme ça. Des API pour Maps, donc Apple, même si 3.0 ajoutait pas comme Google Maps là, qui était déjà là, mais pour les développeurs, donc l'API était disponible, donc vous pouviez l'ajouter dans votre application, donc c'est très pratique, il y a beaucoup d'applications qui l'utilisent d'ailleurs. iPod Library Access, donc même chose, vous pouvez avoir accès à la librairie de musique que vous avez pour acheter dans votre application. Ensuite, l'enregistrement audio. Donc, vous pouvez vous enregistrer dans une autre application que Record qui était disponible. Le Core Data, qui est la base de données que vous pouvez développer dans votre application. Par rapport au SQLite, mais là, je n'entrerai pas dans les détails là, pour vous mélanger, mais le framework, donc l'API qui était disponible maintenant pour les développeurs avec le Core Data. Ça, c'est dans des vieilles versions de iOS pour les gens qui ne peuvent pas avoir iOS 4 ou iOS 5? C'est quand l'iOS 3.0 est arrivé. Ah, OK. Oui, ça, je fais comme un retour sur ce qui est sorti. Là, ah, OK. Dans l'iOS 3.0. Puis, il n'en reste pas beaucoup. Là. Le in-app mail qui est arrivé pour les développeurs. Parce que mail, ben, il existait pour Apple, mais il n'existait pas pour personne d'autre. Du streaming audio, il y a une classe qui s'appelle MP Movie Player Controller qui est utilisée pour faire justement du streaming audio. D'ailleurs, je pense que c'est ça que Oups 7777 avec nos deux applications, Samateur de Mac Bonsoir puis le podcast de Mac Québec, utilise du HTTP Live Streaming qui est poussé par Apple. Safari, il y avait des features de plus, audio puis vidéo dans le HTML. Partager des keychains, donc comme des certificats pour les mots de passe dans différentes applications. Des accessoires qu'on a, j'ai déjà parlé. Le compass. Le compas. Le compas, c'est ça. Qui pouvait être supporté dans d'autres applications. Puis OpenGL 2.0 qui ça c'est plus pour les jeux. Quand vous voulez créer un jeu, là. Il était maintenant supporté. Avant, c'était le 1.1, puis là, c'est rendu le 2.0. Là. Dans l'iOS 3.0, là, on s'entend que c'est rendu plus avancé, là, mais dans ce temps-là, c'était ça. OK. Donc, ça fait à peu près le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Là. Les API, ben, c'est ça. Donc, j'ai parlé... C'était sorti quand, iOS 3.0? J'ai pas la date. J'étais allé tantôt, puis ce serait le fun de relire, justement. Ça. Ok, parfait. Puis la dernière chose, pour ceux qui connaissent Xcode, c'est le logiciel de développement d'applications pour d'excellence là, pour tout le monde, dans le fond, ceux qui veulent créer des applications sur iPhone et sur iPad. Maintenant, pour les développeurs seulement, donc en 5.1, pour les iOS 5.1, le Xcode est rendu une application à part entière en point app. Donc, vous n'êtes plus obligé d'installer l'application. C'est ce qui va sauver du temps énorme. Là. Vous n'êtes plus obligé d'installer l'application Xcode qui prend genre une heure à installer. Dans votre ordinateur. C'est plus un package. C'est plus un package. Vous n'êtes plus obligé d'installer ça. C'est vraiment juste un point in-app que vous prenez votre application Xcode, que vous mettez dans Applications, dans votre dossier, puis fonctionne. Maintenant, une fois que vous avez ça, si vous n'avez pas votre simulateur de iPhone, vous allez devoir le télécharger parce qu'évidemment, il n'est pas dedans. Mais une fois que ça va être téléchargé, après ça, vous allez faire une mise à jour d'Xcode puis ça va se faire comme une application. Vous n'êtes pas obligé de télécharger l'application au complet. Donc c'est ça. Puis juste une petite chose pour les développeurs, j'ai vérifié puis encore. le simulateur 3.2 qui est encore disponible pour le téléchargement. Donc, c'est un petit plus, là, les iPhones qui fonctionnaient sur 3.2, l'iOS, il est encore disponible. Fait que ceux qui veulent être sûrs que l'application fonctionne sur 3.2, ben go for it, vous allez pouvoir l'essayer. J'ai la réponse. Vas-y. 17 juin 2009. Oh, quand même, hein? Oui. Ouais. Ça a incorporé aussi les MMS 3.0. OK. OK. Excellent. Ça fait... Bernard, es-tu encore avec nous autres? Oui, je suis toujours là. J'ai changé de micro. C'est ma console audio qui est plantogène, mais c'est driver. Là. Fait qu'à un moment donné, je vous ai complètement perdu. Skype, il a planté. Ouais, tu nous as montré, je pense, à l'écran le Skype qui avait planté. Tu restes avec nous pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Tout à fait. Excellent. Écoutez, messieurs, on va mettre fin à ce podcast-ci. Je vous remercie encore d'avoir été là, d'avoir pris le temps pendant ces vacances de Noël d'arrêter un peu le mangeage de tourtière et le calage de phare pour venir vous asseoir et discuter Apple et prendre le temps de vous tenir au courant des nouvelles aussi. Donc, Jean-François, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? Oui, vous pouvez me retrouver sur Twitter à jfroy1979. Vous pouvez me poser des questions, jaser avec moi. Je suis très social. Vous pouvez aussi me retrouver sur Google+. Fait que j'ai une page là, une page sur Twitter, et c'est ça. Vous pouvez me rejoindre là. Excellent. Bernard, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur Twitter à @cybernard, également sur Google+. Et pas mal ça. Excellent. Et Vincent, à part d'être sur mon sofa là, à ma gauche, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui. J'allais faire une joke sur la ville, mais non, je ne dirais pas. on peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller. Donc, ceux qui sont sur le Vocal, vous allez voir sous l'écran. Ou sinon, sur mon site web, vmiller.ca. Donc, passez par là si vous voulez développer une application. C'est ça. Si vous cherchez Vincent Miller, vous allez voir mes applications sur iTunes. Là. C'est bien belle fun. La joke, c'était-tu comme, hey, même moi, je viens de Trois-Rivières, puis je me sens pareil dans un trou chez vous? Non, c'est pas ça. Le nom du citoyen de... Ah, OK. Mais... Le gentil des gens qui viennent de mon patelin. J'habite à Pointe-Calumet, qui est très reconnu pour une chose, c'est glissade d'eau. Et je pense qu'une des stations de radio FM de Montréal vient faire son party une fois de temps en temps ici. Là. Mais on s'appelle les Calumet-Pontois. Donc, je suis un Calumet-Pontois. Ah bon? C'est le gentil du patelin. Mais c'est pas si pire, hein? Je pourrais venir de Grenville. On se laisse cette semaine. Je vous dis salut. Vous pouvez me retrouver, pour ma part, sur Twitter au Alex Cornelier. Mon site web, alexcornelier.com, est toujours en réflexion. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour faire du service chez vous, vous donner des conseils au niveau de l'achat, au niveau de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre ordinateur, si vous avez besoin d'un technicien, vous pouvez directement aller sur le site de macquebec.com et aller dans l'onglet « Service » et vous m'envoyez un email. C'est moi directement qui vais vous répondre. Donc, au plaisir de vous reparler. Et puis, au plaisir de se revoir, les gars. On se revoit dans 2 semaines pour le podcast Mac Québec. On va être revenu à notre horaire régulier, donc le jeudi soir. Là, on est mercredi, mais le jeudi soir à partir de 21h pour le podcast Mac Québec, toujours aux 2 semaines. Ça m'a fait plaisir. Salut. OK, bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Au revoir. Please hang up and try again.